Donc c'est ouvert tous les jours ici, sauf le lendemain de la bande de la Citadelle et le 1er mai. Sinon, c'est ouvert tout le temps. Et la semaine, ça ouvre à 7h30. Oui, il ouvre à 7h30. Et tous les matins, il y a des rituels. On retrouve les mêmes personnes qui viennent prendre le café avant d'aller travailler. Non, je ne viens pas tous les matins. Je viens une fois par semaine. Il y a une époque, je venais tous les matins. Et donc, on rencontre des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des artisans. Ils viennent, ils se retrouvent là le matin. Ils prennent leur petit café avant de démarrer la journée. C'est plutôt masculin. Je suis souvent la seule femme quand je viens prendre mon café. Et ça rigole beaucoup et ça fait beaucoup de bruit et on rigole bien. C'est une façon agréable de démarrer sa journée. Ah bah oui, c'est une institution. C'était avant, ça s'appelait le Bourrel. C'était tenu par la famille Bourrel. Et Gilles, toi tu connais mieux que moi l'histoire de ce café. Oui. Du Bourrel. Oui. C'est une institution de. Oui, ça a appartenu aux parents de Francis et Vincent qui ont démarré. Et Francis et Vincent Bourrel ont vendu en 2000, donc il y a 24 ans maintenant. Ils ont vendu d'abord le café et l'hôtel en 2003. Donc ils ont tout vendu, l'hôtel et le café. Et le nom est resté. Et on a toujours gardé l'hôtel Bourrel. Par contre, le café, ça ne s'est jamais appelé café Bourrel. Ça s'est toujours appelé café Le Phare. Mais les Dunkerquois disaient, on va boire un coup chez Bourrel. Je pensais que le café s'était appelé chez Bourrel à un moment, mais en fait, non. Mais on disait, mon père, mon grand-père venait ici, on disait, on va boire un coup chez Bourrel. Ça, c'est Fat Chantier. On n'a pas eu la cloche du musée portuaire, mais on a eu la cloche du Bourrel, du phare. Voilà. Ce qui m'a surprise aussi, c'est que j'ai découvert que, par exemple, les personnes que je croise le matin quand je vais prendre le café, il y a des gens, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Ils sont allés à l'école ensemble, en fait. Et en fait, ils sont allés à l'école ensemble et ils se retrouvent... encore aujourd'hui, à prendre le café du matin, et il y a la complicité, et c'est ça aussi qui fait que ça se charrie beaucoup. Enfin, c'est vraiment l'ambiance café-comptoir de quartier. Ça m'est déjà arrivé de les entendre se remémorer des souvenirs de quand ils étaient jeunes. Ils sortaient, ils faisaient les 400 coups ensemble, et puis ils sont toujours là, ensemble. Voilà, c'est... Souvent, je me suis dit qu'il fallait que je vienne avec mon micro, que j'enregistre. Est-ce qu'on y parle fort avec l'accent dunkerquois ? Il y a des matins, c'est beaucoup trop fort mais pour un matin. Avec l'accent Oui. Il y a des personnes qui parlent avec l'accent ici, et qui parlent très, très fort. Parce que souvent, l'accent dunkerquois va avec le fait de... va avec le niveau sonore de la voix, en fait. C'est souvent lié, en fait. Donc, voilà. Il n'y a que des gens qui travaillent et des retraités. Par contre, le dimanche, c'est plus festif. Tout le monde vient boire l'apéro. J'avais discuté avec un monsieur ici. Moi, j'aime bien discuter au comptoir. Il y a tellement d'histoires. J'aime bien écouter les histoires. Et le monsieur m'expliquait, un monsieur qui doit avoir, je ne sais pas loin de 80 aussi, il me racontait en fait qu'il était né dans le phare du Risban. Parce que son papa... était gardien et il était né au phare du Risban. Et je m'étais dit, et là encore une fois je m'étais dit, oh, c'est dommage, j'aurais voulu qu'il me raconte quoi. Mais là ça s'était fait de façon spontanée et je pense que maintenant si je lui demande, vous pouvez me raconter l'histoire, il voudra peut-être plus. Et je le croise souvent dans le quartier, il se promène à vélo, il voyage à vélo. Et il m'avait dit, ouais, moi je suis né dans le phare. Je suis née dans le phare du Risban. Ouais.